Mais sur des barils de skip, avec des couteaux de cuisine pour qu'éclaire une mandoline. À 12 ans, Manon, je touche avec la dame du rideau. Touche, pêche 200, Manu France en transe. Mâche 300, pétex et sexe, tiens un sens à ma vie. Majestique, je me tourne vers elle pour l'embrasser, mais c'est son nez que j'ai chopé. Si un sens à ma vie, tu me le dis. Ça m'a évalué, si y a un sens à ma vie.